Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo, Yesenya mimo. Asha Yesu, adiawa ya mami, Samisua, adiawa ya mami. Obabe wu asenu aneso amama nyakwa enoti misenya mimo obabe wu amama nyakwa enoti misenya mimo hey ayeyi kawo no sukina dali retrovise ya bomo ina ngaye. À mon réveil, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Quand je regarde, tout est bien fait pour moi. De vivre, tu m'as donné l'espérance de vivre, tu m'as donné la joie de vivre. Autrefois, j'avais perdu la joie de vivre, j'avais perdu l'espérance. Dieu m'a tout donné. Tes témoignages, ma reconnaissance. Oh Dieu, je veux te dire merci. Je suis heureux. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je suis heureux. Je veux te dire merci. Ah, je suis heureux. Quand je regarde, tout est bien fait. Quand je regarde, tout est bien fait. Je n'ai ni or, ni l'argent pour te témoigner ma reconnaissance. Hey! Me da wasi, Yesu me da wasi. Honneur et gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Dieu sauveur. Évangéliste Ike David, serviteur de Dieu crédible. Honora Kéké.